الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها المسلمون لم يبق على الحج من يومنا هذا إلا شهرا وأياما فيا فرحة من فاز بالوقوف بتلك المشاعر مشاعر الحج المقدسة ويا سعادة من تشرف بالتلبس بتلك المناسك العظيمة حط للذنوب ومغفرة للآثام ونفي من الفقر وإعتاق من النيران نسأل الله تعالى أن يعتقنا جميعا من النار لقد دعانا ربنا ودعا عباده الصالحين إلى بيته الحرام ليعطيهم ويكرمهم أعظم العطاء وأعظم الكرم وحق على المأجور أن يكرم زواره وضيوفه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه شخص الغدر الله Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété, et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Chers musulmans, il ne reste pour le pèlerinage de ce jour qu'un peu plus d'un mois. Comme est heureux celui qui réussira à être présent en ces terres, les terres sacrées du rite du pèlerinage. Et quel grand succès pour celui qui aura l'honneur d'accomplir ces magnifiques rites. Tout cela pour effacer ses erreurs et pour se faire pardonner ses péchés et pour éloigner la pauvreté et se faire affranchir du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, appelle ses serviteurs vers sa maison sacrée pour leur donner et les honorer du meilleur des dons et du meilleur des honneurs. Car celui qui est visité se doit de faire honneur à ses visiteurs et ses invités. Abu Huraira, radiallahu anhu, il nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni immoralité, ni dévergondage, retourne chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mise au monde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. أيها المؤمنون في الوقت الذي يتشوق عباد الله الصالحون إلى حضور هذا المؤتمر العظيم وهذا المجمع الكبير تتقطع قلوبهم حسرة وألما على فواته لعذر أو عجز أو مرض أو غير ذلك من الموانع في هذا الوقت نفسه تجد من أمة الإسلام من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تمر عليه السنون وتتوالى عليه الأعوام وقضاء الركن وأداء الفريضة لم يخطب له على بال كأن الحج على غيره قد فرض أو كأنه ليس من أمة الإسلام وقد علم أيها المسلمون من الدين بالضرورة أن الحج ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس وهو مبني من مبانيه العظام، دل على وجوبه الكتاب، ودل على وجوبه السنة، ودل على وجوبه الإجماع. فمن جحده فقد كفر، من قال الحج ليس بواجب فقد كفر بالله عياذ بالله، ومن تهاون به فهو على خطر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتم نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. Chers musulmans, ces jours-ci, à cette époque, chaque année, les pieux serviteurs d'Allah souhaitent et désirent être présents pour ce grand rassemblement qu'est le pèlerinage. Et leur cœur se déchire de regret et de peine lorsqu'il manque le pèlerinage, par excuse valable ou incapacité ou maladie ou autre empêchement. Les serviteurs pieux, ils sont très tristes chaque année lorsque le mois de Dhul-Hijja arrive et qu'ils savent qu'ils ne seront pas présents pour le pèlerinage. A l'opposé, nous observons parmi les musulmans certains qui laissent les années passer, les décennies passer, sans penser au cinquième pilier de l'islam, à cette obligation énorme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si le pèlerinage était seulement obligatoire pour les autres, ou comme s'il ne faisait pas partie de la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que tout le monde sait, chers musulmans, que le pèlerinage est un pilier parmi les piliers de l'islam et un fondement parmi ses grands fondements. Nous prouve l'obligation du pèlerinage le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des savants. Donc, quiconque nie l'obligation du pèlerinage aura alors mécru à l'islam tout entier. Celui qui dit que le pèlerinage n'est pas une obligation, il sort de l'islam, ayyadu billah. Et quiconque est négligent par rapport au Hajj, tout en ayant, en reconnaissant son obligation, encourt un grand danger. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est un devoir envers Allah, pour les gens qui en ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'islam est fondé sur 5 fondements. L'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé un discours devant nous et nous a dit: ô gens, Allah vous a imposé le pèlerinage, accomplissez donc le pèlerinage. Imaginez-vous que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soit à la place ce jour-ci et qui vous dise: ô gens, Allah vous a imposé le pèlerinage, accomplissez donc le pèlerinage. Oseriez-vous le repousser? Le prophète a dit ensuite, un homme dit alors au prophète: tous les ans au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tut et l'homme répéta sa question 3 fois. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si je dis oui, vous serez alors obligé de le répéter chaque année et vous n'en serez pas capable. Le prophète dit ensuite: ne me questionnez pas sur ce que j'ai laissé tomber. Vos ancêtres ont été perdus parce qu'ils posaient trop de questions et étaient désobéissants à leur prophète. Si je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le selon votre capacité. Et si je vous interdis de faire quelque chose, abstenez-vous-en. Rapporté par Muslim. Ibadallah. Inna al-hajja wajibun ala al-fawr. La yajuzu تأخيره إلا الحج واجب على الفور مع الاستطاعة فمتى استطاع المسلم الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه التي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة المادية والبدنية وجب أن يعجل بأداء فريضة الله فيه ولا يجوز له تأخيره ولا التهاون به. قال العلماء رحمهم الله: من قدر على الحج فلم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والمبادرة بالحج. لأن الذنوب أيها الإخوة الكرام لا تنحصر في الأفعال فقط. من يعتقد أن الذنوب السرقة، القتل، الزنا ونحو ذلك، لا، حتى الذنوب تكون فيما تتركه. الذنوب أفعال وتروك. ترك الصلاة ذنب، ترك الزكاة ذنب، ترك الصيام ذنب، وكذلك ترك الحج أيها الإخوة الكرام. Chers serviteurs d'Allah, le pèlerinage est obligatoire immédiatement lorsque l'on possède la capacité. Donc dès que le musulman est en capacité et est capable d'accomplir le pèlerinage et que toutes les conditions d'obligation du pèlerinage sont présentes pour lui, il doit l'accomplir. Les conditions d'obligation du pèlerinage sont l'islam, la raison, la puberté, la liberté, la capacité financière et corporelle. Donc celui qui présente toutes ces conditions, il lui est obligatoire de se dépêcher d'accomplir le pèlerinage et il est interdit de le retarder ou de le négliger. Les savants, l'ulama, rahimahumullah, ils disent: celui qui peut accomplir le pèlerinage obligatoire et le retarde sans excuse, alors commis un grand crime et un énorme péché, et il faut obligatoirement qu'il se répande à Allah et se dépêche d'accomplir le pèlerinage. Car beaucoup de musulmans pensent que les péchés, ce sont seulement des actes. Le fait d'accomplir la fornication, le fait de voler, le fait de tuer quelqu'un, le fait d'être mauvais avec ses parents, etc., etc. Non, les péchés, il y a deux sortes de péchés. Il y a les actes et il y a les délaissements. Tu peux être désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant une chose. Si tu délaisses la prière, tu es désobéissant. Si tu délaisses la zakat, tu es désobéissant. Et ainsi, si tu délaisses le pèlerinage alors que tu dois l'accomplir, tu as commis une désobéissance et un grand crime. Ayyul muslimin. هذه هي شروط وجوب الحج التي يشترك فيه الرجال والنساء، ولكن هناك شرط خاص بالنساء وهو وجود المحرم. وجود المحرم، وتعريف المحرم هو من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. الخلاصة: المحرم هو الزوج والابن والأب والجد والأخ وابن الأخ وابن الأخ والعم والخال وزوج الأم إذا دخل بها وزوج البنت وأخ الزوج، هؤلاء هم المحارم. ودل على وجود ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني ابتدئت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. Chers musulmans, donc les conditions que nous avons citées, ce sont les conditions d'obligation du pèlerinage. L'islam, la raison, la liberté, la puberté, également la capacité financière et corporelle. Ça, donc ces conditions sont pour les hommes et pour les femmes. Mais il y a également une condition qui est seulement pour les femmes. Et cette condition est la présence de ce qu'on appelle el-mahram. Donc c'est un proche parent de la femme ne pouvant l'épouser. Donc il y a le mari, le fils, le père, le grand-père, le frère, le neveu, l'oncle paternel ou maternel, le mari de la mère, le mari de la fille, son beau-père. Donc tous ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle pour la femme un mahram. Et prouve le hadith, prouve l'obligation de cela, le hadith rapporté par les deux imams, Al-Bukhari wa Muslim, rahimahumullah, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, un homme ne doit pas être seul avec une femme sans mahram, et une femme ne doit pas voyager sans mahram. Un homme, en entendant cela, s'est levé et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux rejoindre telle ou telle armée pour accomplir la bataille, alors que ma femme souhaite effectuer le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, accompagne-la au pèlerinage. Il ne l'a pas laissé, il n'a pas laissé sa femme partir seule, malgré que cet homme voulait accomplir le jihad. Donc une chose pour laquelle il y a un bien pour l'islam. Ikhwan al-islam. إنه يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا لأنه لا يدري ماذا يحدث له في المستقبل لو أخره. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد. وعن عبد الله بن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة رواه ابن ماجه. شيخ الإسلام. Il est donc obligatoire de s'empresser d'accomplir l'obligation du pèlerinage lorsqu'on en est capable, car on ne sait pas ce qui peut arriver dans le futur si on le retarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à cela et il nous dit « Empressez-vous d'accomplir le pèlerinage, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui peut lui arriver, rapporté par Ahmed. » Et il dit également « Quiconque désire le pèlerinage, qu'il se presse, car on peut tomber malade, ou la monture peut s'égarer, ou le besoin peut l'atteindre. » À l'heure actuelle, tu es en bonne santé. Qui te dit que tu seras en bonne santé l'année prochaine ? À l'heure actuelle, tu possèdes la somme qui te permettrait d'aller au pèlerinage. Qui te dit que cette somme sera présente entre tes mains l'année prochaine ? Ou pire encore, à l'heure actuelle, le chemin pour arriver au pèlerinage est sûr. Personne ne se fait agresser, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre. Qui connaît le futur ? Peut-être que l'année prochaine, plus personne ne pourra se rendre au pèlerinage. C'est pour cela qu'il faut l'accomplir le plus rapidement possible. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-Azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu al-Ghafur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المؤمنون، إن المتأمل في الواقع اليوم ليجد من الناس من بلغ من العمر سنين متطاولة ولم يحج، فمنهم من جاوز الأربعين وقارب الخمسين أو الستين أو السبعين ولم يحج، ومنهم من تعدى الثلاثين ولم يحج، فأما أبناء العشرين ممن لم يحجوا فحدث ولا حرج. ومن الناس من وجب الحج على أبنائه وبناته فضلا عن وجوبه عليه، ومع ذلك تراهم جميعا يؤخرون الحج سنة بعد سنة ويؤجلون هذا الركن العظيم عاما بعد آخر، غير ملتفتين إلى أنهم أتوا منكرا عظيما من الفعل، إذ لا يأتي أحدهم موتا يأخذه على غرة أو مرضا مقعدا يهجم عليه على غفلة أو فقرا يعتريه بعد غنى أو غيرها مما يعرض الإنسان فيعجزه بعد قدرة ويضعفه بعد قوة. فمن السنة أيضا أيها الإخوة الكرام، وهذا من السنة المهجورة، أن يحجج الوالدان أبناءهما، أن يحجج الوالدان أبناءهما. دل على ذلك أحاديث، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أقبلت يعني في الحج وقد ناهزت الحلم، لم يبلغ الحلم، بات رواه البخاري. ويقول يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه حج بي, وفي رواية حج بأبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحة, يعني مكان بين مكة والمدينة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم, يعني من أنتم؟ قالوا المسلمون. فقالوا ومن أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر, رواه مسلم. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت في الميقات, ذهبت وهي حامل لولدها وولدت في الميقات ثم ذهبت به رضي الله عنها. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب حج الصبيان, باب حج الصبيان. ويؤسفك أن تجد هؤلاء المؤخرين لفريضة الحج قد زاروا شتى بلدان العالم, زاروا شتى بلدان العالم, ذهبوا إلى أمريكا, ذهبوا إلى آسيا, ذهبوا إلى إفريقيا, ذهبوا إلى أوروبا, فما تركوا مكانا, سافروا شرقا وغربا وجنوبا وشمالا, وبذلوا الأوقات وأنفقوا الأموال لاقتناء أحسن السيارات ولاقتناء أحسن الهواتف المتنقية ولاقتناء أحسن الكمبيوترات وأحسن التلفازات وأحسن الملابس إلى غير ذلك, ومع ذلك لم يفكروا في أعظم وأجل سفر, ولم يشدوا الرحال لأشرف البقاع وأعظم الأماكن. Chaque voyage. En observant notre entourage, nous pouvons voir que certains musulmans ont atteint un âge avancé et n'ont toujours pas accompli le pèlerinage. Certains ont plus de 40 ans, d'autres plus de 50 ans, d'autres plus de 60 ans, d'autres plus de 70 ans, et ils n'ont pas accompli le pèlerinage. D'autres ont plus de 30 ans. En ce qui concerne ceux qui ont plus de 20 ans, ils sont encore plus nombreux et ils ne pensent même pas à cela. Parfois, il y a même toute une famille pour qui le pèlerinage est obligatoire. Les deux parents et tous les enfants. Et ils ont les moyens tous de s'y rendre en famille. Et malgré cela, ils retardent ce pilier année après année, sans se rendre compte qu'ils ont commis un grand crime, car nul n'est à l'abri contre la maladie, la mort, la pauvreté ou toute autre chose empêchant le musulman d'accomplir le pèlerinage. Également fait partie des choses de la sunna, et c'est une chose délaissée par la majorité des musulmans, le fait que les deux parents doivent essayer de faire accomplir le pèlerinage à leurs enfants, s'ils en ont les moyens bien sûr. Prouve cela plusieurs hadiths. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit j'ai accompli le pèlerinage juste avant la puberté, rapporté par Al-Bukhari. Et Sa'id ibn Yazid nous dit mon père m'a fait faire le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que j'avais 7 ans, rapporté par Al-Bukhari également. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra un groupe de gens à un endroit qui s'appelle Al-Rawha, entre la Mecque et Médine. Et il leur demanda qui êtes-vous? Ils lui dirent nous sommes des musulmans. Et ils dirent alors et qui es-tu? Car ils n'avaient jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit je suis le messager d'Allah. Une femme, en apprenant cela, elle éleva alors à sa hauteur un enfant en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam le hajj sera-t-il compté à cet enfant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui et tu auras une récompense. Asma bint Umays, comme cela est cité dans Sahih Muslim, qui est la femme de Abu Bakr, elle a mis au monde un enfant à Dil Khalifa, au Miqat, et ensuite elle est partie avec son nouveau-né pour accomplir le pèlerinage. Et l'imam Bukhari, rahimahullah, dans son livre Sahih, il a donné comme titre un de ses chapitres Hajj Bab ou Hajj Sibyan, c'est-à-dire le Hajj des enfants. Et le plus triste dans tout cela, c'est que ces mêmes personnes qui retardent le pèlerinage année après année ont parfois voyagé à l'Orient et à l'Occident. Ils ont visité tous les continents, au nord et au sud. Ils ont construit des maisons. Ils possèdent les derniers modèles de voitures, de portables, d'ordinateurs, de télévisions, de vêtements et toute autre chose. Et lorsqu'on leur parle du pèlerinage, c'est cher. Ou bien, c'est trop long. Il y a des formules pour toutes les bourses. Il y a des formules pour toutes les périodes. Il y a même des gens qui ne partent qu'une seule semaine. Il y a des agences qui possèdent, qui proposent des formules d'une semaine pour ceux qui n'ont pas le temps d'accomplir le pèlerinage. Donc, alhamdoulilah, tous les moyens sont possibles pour accomplir le pèlerinage dans la meilleure des conditions. Ayyuha al-muslimun, ya man wajaba alaykum al-hajj, badiru bihi wa la tuakhiru, wa alamu anna tark al-hajj al-nafila man qudrati alayh hirmanu min khayrin azim. فكيف بالتهاون بالركن اللازم والفرض الواجب حجة الإسلام؟ النبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، حديث قدسي، يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفل إلي، يعني في الحج لا محروم. رواه ابن حبان. شاب مسلم، ô vous qui n'avez pas encore accompli le pèlerinage, ô vous pour qui le pèlerinage est obligatoire, empressez-vous et ne le retardez pas. Car sachez que le seul fait de délaisser le pèlerinage surérogatoire, lorsqu'on en est capable, est une cause de privation d'un grand bien. Et celui qui délaisse le pèlerinage obligatoire sera victime de cette privation à plus forte raison. Car également, il est conseillé aux musulmans d'accomplir le pèlerinage plusieurs fois dans sa vie s'il en est capable. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il est bien défavorisé celui à qui j'ai accordé un corps sain et une situation heureuse qui laisse passer 5 ans sans me rendre visite, c'est-à-dire pendant le pèlerinage, rapporté par Ibn Hibban. Ibadallah. Iden, قد يقول قائل: فهمنا منك أنك تدعونا إلى الحج كل سنة. إن استطعنا ذلك. الجواب نعم، من يستطيع أن يحج كل سنة فإنه يحصل على خير عظيم، ومن ترك ذلك يفوت على نفسه هذا الخير. قد يقول قائل: من فعل ذلك سيصبح فقيرا لا سيما مع ارتفاع الأسعار سنة بعد سنة. يقال هذا القائل: استمعوا إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإكثار من الحجات والعمر سبب لإبعاد الفقر. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلى الجنة. رواه الترمذي. شيخ صاحب كتاب الله، l'un d'entre vous dira peut-être: nous avons compris de ce discours du Jumu'a qu'il y a une incitation à accomplir le pèlerinage chaque année si on en est capable. La réponse: oui, celui qui est capable d'accomplir le pèlerinage chaque année, qu'il le fasse. Car chaque année, il se peut que tu accomplis des erreurs. Et ce prochain pèlerinage sera une source de purification. Donc celui qui en a les moyens, la réponse est oui, qu'il accomplisse le pèlerinage chaque année. Certains vont dire: celui qui accomplit le pèlerinage chaque année, il va forcément, après plusieurs années, devenir pauvre et perdre beaucoup d'argent, car le pèlerinage est devenu très cher. Nous répondons à cette personne qui pense cela qu'il faut qu'il écoute les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, car les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont que révélations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: multipliez le hajj et la omra. Multipliez le hajj et la omra, car ils chassent la pauvreté et les péchés comme le soufflet du forgeron chasse les impuretés du fer, de l'or et du diamant. Et le hajj pieux n'a de récompense que le paradis, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. As-salallahu alayhi wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفق الحجاج لحج بيتك الحرام. اللهم وفق الحجاج لحج بيتك الحرام يا رب العالمين.